C'est qu'il y a eu bien sûr communication entre le président Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine. Ça, c'est officiel. Assimi Goïta, il a tweeté. Ils ont parlé de renforcer la coopération sécuritaire et d'autres coopérations bilatérales. Et il a été question, bien sûr. Assimi Goïta a remercié Poutine, a salué la coopération. Il a bien dit gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ce qui fait que c'est au téléphone que les deux présidents se sont entretenus. Regardez, au même moment, vous avez Ouattara, un vieux de son âge, comment il s'appelle? Gaspard Dieudonné, alias le chameau dribbleur. Il a couru aller du côté de Paris pour aller, en tout cas, prendre des instructions de la part de Macron. Il est allé en vitesse avec Ambalo pour, en ce qui concerne la crise au niveau du Burkina Faso. Afrique Média, le monde, c'est nous.